Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 60. Lève-toi, reçois la lumière, Jérusalem, parce qu'est venue ta lumière, et que la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Parce que voilà que les ténèbres couvriront la terre, et une obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur, et sa gloire en toi se verra. Et des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la splendeur de ton lever. Lève autour de toi tes yeux et vois. Tous ceux-ci se sont rassemblés, ils sont venus à toi. Tes fils de loin viendront, et tes filles à ton côté se lèveront. Alors tu verras, et tu seras dans l'abondance. Ton cœur admirera et se dilatera. Quand se sera tournée vers toi la richesse de la mer, et que la force des nations sera venue à toi. Une inondation de chameaux te couvrira, ainsi que des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous viendront de Saba, apportant de l'or et de l'encens, et publiant des louanges en l'honneur du Seigneur. Tout troupeau de Kédar sera rassemblé pour toi. Les béliers de Nabaioth seront employés à ton service. Ils seront offerts sur mon autel d'expiation, et je glorifierai la maison de ma majesté. Qui sont ceux-ci qui volent comme des nuées, et comme des colombes vers leur demeure? Car les îles m'attendent ainsi que les vaisseaux de mer, dès le principe, afin que je fasse venir tes fils de loin, leur or et leur argent avec eux, et les consacre au nom du Seigneur, ton Dieu, et au sein d'Israël, parce qu'il t'a glorifié. Et les fils des étrangers bâtiront des murs, et leurs rois te serviront. Car dans mon indignation je t'ai frappé, et par ma réconciliation, j'ai eu pitié de toi. Et tes portes seront ouvertes continuellement, ni jour ni nuit, et ne seront fermées, afin que te soit apportée la force des nations, et que leur roi te soit amené. Car la nation et le royaume qui ne te sera pas assujetti périra. Ces nations, réduites en solitude, seront dévastées. La gloire du Liban vers toi viendra, le sapin et le buis et le pin serviront ensemble à orner le lieu de ma sanctification. Et la place de mes pieds, je la glorifierai. Et ils viendront vers toi les fils de ceux qui t'ont humilié. Et ils adoreront les traces de tes pieds, tous ceux qui te décriaient. Et ils t'appelleront la cité du Seigneur, la Sion du Saint d'Israël. Parce que tu as été délaissé et haï, et qu'il n'y avait personne qui te traversa, je t'établirai l'orgueil des siècles, et la joie pour toutes les générations. Et tu suceras le lait des nations, et de la mamelle des rois tu seras nourri. Et tu sauras que je suis le Seigneur, qui te sauve, et ton Rédempteur, le fort de Jacob. Au lieu d'airain, j'apporterai de l'or, et au lieu de fer, j'apporterai de l'argent, et au lieu de bois, de l'airain, et au lieu de pierre, du fer. Je te donnerai pour gouvernement la paix, et pour préposé la justice. On n'entendra plus parler d'iniquité dans ta terre, de ravage et de destruction dans tes confins, et le salut occupera tes murs, et la louange tes portes. Tu n'auras plus le soleil pour éclairer pendant le jour, et la clarté de la lune ne luira pas sur toi, mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, et ton Dieu ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne diminuera plus, parce que le Seigneur sera ta lumière éternelle, et que les jours de ton deuil seront finis. Quant à ton peuple, tous seront justes. Pour toujours ils posséderont la terre en héritage. Il sera le rejeton de ma plantation, l'œuvre de ma main pour me glorifier. Le moindre de tes citoyens en produira 1000, et le plus petit une nation très puissante. Moi, le Seigneur, en son temps, je ferai soudain cela. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.